Ainsi se termine votre nuit rêvée, Anne-Marie Métellier, nuit au cours de laquelle nous avons pu parler et entendre des textes d'Albert Camus. C'est une lecture par Françoise Fabian, lecture d'extrait du premier homme. Puis, du jour au lendemain, Lavenstein recevait Lydia Georges, l'une de vos autrices et écrivaines. Métronomique Buenos Aires, 1935, le tango orphelin par Amaury Chardot. Christophe Onodibio qui recevait Leonardo Padura dans Le temps des écrivains. Et puis, plus tard dans la nuit, eh bien, Luis Sepúlveda dans Drôle de drame. Il était, ses textes étaient lus par lui-même et par Bernard Giraudot. Agora, Lou Andrés Salomé, des lettres à Freud, c'est Gilles Lapouche qui recevait Marie Moscovici et Jacques Nebécourt en 1983. Et à l'instant, eh bien, donc Black and Blue avec Billie Holiday. Vous nous avez parlé de deux textes qui paraissent. Le premier, c'était Dérive des âmes et des continents, Subangi Swarup, et c'est donc une indienne. Un premier roman magnifique, étonnant. Voilà, alors les auditeurs qui aiment la littérature indienne liront ce roman, donc, et puis ils écouteront peut-être la nuit, et certainement la nuit précédente, en téléchargeant, puisque la nuit précédente était consacrée à l'Inde, à la littérature indienne, et puis au pays. Et l'autre texte, c'était Anne-Laure Kerr, Richesse oblige, oui, en Métellier noir. Alors, elle est connue parce qu'elle a écrit déjà beaucoup de titres. Vous pouvez nous donner les titres d'Anne Laure Kerr ? Oui, on a publié Commis d'office. C'était le premier, ça, en 2004. Oui, Toile de maître. Ground. Ground Zero. Non, XO. XO. Oui, Ground XO sur le cognac. C'est une plongée chez les producteurs de cognac et les rappeurs qui est assez intéressante. Comme au cinéma. Comme au cinéma. Et puis aussi. La Daronne. La Daronne. Qui devient un film d'ailleurs. Dans oui, dont le film sort bientôt. Avec Isabelle Huppert. Et là, le dernier, c'est Richesse oblige. Ça se passe sur deux siècles. Enfin, en tout cas, au 19e siècle et au 21e siècle. Mais évidemment, on se promène aussi dans la richesse du 20e siècle. Enfin, comment on garde sa fortune. Oui, les héritiers. Voilà, comment on ne va pas à la guerre, mais comment ne pas faire la guerre, comment garder sa fortune et aussi peut-être comment agir à distance avec les moyens de la modernité. Vous allez lire quel texte à partir de demain, Anne-Marie Métellier ? Je m'occuperai d'un livre qui va paraître au mois de mai et qui est la nouvelle reine du polar nordique, Lilja Sigurðardóttir, avec un livre qui s'intitule « Trahison » et qui montre tout ce qu'on peut faire à une femme en politique pour la faire tomber. Mais elle résiste et elle trouvera une solution qui est très intéressante. Merci Anne-Marie Métellier, c'était donc votre nuit rêvée. Philippe Garbi, Marie-Claire Mouabadi, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet. Alors évidemment, toute la nuit est à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, la rubrique des nuits de France Culture. Très bonne journée à vous Anne-Marie Métellier. Merci beaucoup de cette nuit que nous avons passée. Voilà, excellente journée à toutes et à tous.